Il est 7 heures du matin, le vallon soudain s'éclaire. Le soleil à travers les pins monte comme une prière. C'est un mot presque oublié dans l'arrière-pays d'Aubagne. Là où les hommes ont leur fierté et la victoire sa montagne. T'en souviens-tu des volets de bois qui chantaient pour annoncer qu'un nouveau jour venait de naître, et la lumière qui jaillissait par la fenêtre nous emportait. Et qu'est-elle donc devenue, la maison de nos vacances? Bel asile de nos étés sous le ciel de Provence. Sont-ils à jamais perdus les beaux jours de notre enfance? Dans ces collines enchantées au parfum d'innocence, les couleurs passent avec le temps. Au fond de moi, je sais pourtant, je ne serai jamais mourir sans souvenir. Blotti dans l'ombre centenaire, les hautes branches d'un platane, une vieille fontaine de pierre répond à l'appel des cigales. Et dans la garrigue endormie, l'eau n'est plus qu'un lointain mirage. Les arbres aux branches flétries attendent le prochain orage. T'en souviens-tu quand on courait sur le chemin qui traversait au beau milieu des oliviers? On se battait pour être arrivé le premier dans le jardin. Et qu'est-elle donc devenue, maison de nos vacances? Bel asile de nos étés sous le ciel de Provence. Sont-ils à jamais perdus les beaux jours de notre enfance? Dans ces collines enchantées, non plus que pour seul horizon l'éclat d'une lente tempête. Sur l'océan d'obscurité, la voie lactée hisse les voiles. Dans le calme d'un soir d'été, les récits sous les étoiles. T'en souviens-tu de s'éveiller près du grand pin? On racontait nos aventures et nos voyages. On en ferait certainement bien davantage le lendemain. presque oublié dans l'arrière-pays d'Aubagne. Là où les hommes ont leur fierté et la victoire, sa montagne.